épousa mon pépé. Génération plus. Qui va l'amour, hein? La souveraineté des trônes, mon ami Gogo. Parti l'amour. Quel pays est parti l'amour? Mulombo, Varazé, Varo, Palatinchi. Cool.